Premier livre de Samuel, chapitre 3. Or le jeune garçon Samuel servait l'Éternel en la présence d'Élie, et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et il n'y avait point d'apparition de vision. Et il arriva un jour, qu'Élie étant couché en son lieu, or ses yeux commençaient à se ternir, et il ne pouvait voir. Et avant que les lampes de Dieu fussent éteintes, Samuel étant aussi couché au tabernacle de l'Éternel, dans lequel était l'arche de Dieu, l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie, et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais Élie dit, « Je ne t'ai point appelé, retourne-t'en, et te couche. » Et il s'en retourna, et se coucha. Et l'Éternel appela encore Samuel, et Samuel se leva, et s'en alla vers Élie, et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie dit, « Mon fils, je ne t'ai point appelé, retourne-t'en, et te couche. » Or Samuel ne connaissait point encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait point encore été révélée. Et l'Éternel appela encore Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, et s'en alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie reconnut que l'Éternel appelait ce jeune garçon. Alors Élie dit à Samuel, « Va-t'en, et te couche, et si on t'appelle, tu diras, « Éternel parle, car ton serviteur écoute. » Samuel donc s'en alla, et se coucha en son lieu. L'Éternel donc vint, et se tint là, et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel, » et Samuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je m'en vais faire une chose en Israël, laquelle quiconque entendra, ses deux oreilles lui corneront. En ce jour-là j'effectuerai contre Élie, tout ce que j'y ai dit touchant sa maison, en commençant, et en achevant. Car je l'ai averti que je m'en allais punir sa maison pour jamais, à cause de l'iniquité laquelle il a bien connue, qui est que ses fils se sont rendus infâmes, et il ne les a point réprimés. C'est pourquoi j'ai juré contre la maison d'Élie, si jamais il se fait propitiation pour l'iniquité de la maison d'Élie, par sacrifice ou par oblation. » Et Samuel demeura couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Or Samuel craignait de déclarer cette vision à Élie. Mais Élie appela Samuel, et lui dit, « Samuel mon fils, » et il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole qui t'a été dite? Je te prie ne me la cache point. Ainsi Dieu te fasse, et ainsi il y ajoute, si tu me caches un seul mot de tout ce qui t'a été dit. » Samuel donc lui déclara tout ce qui lui avait été dit, et ne lui en cacha rien. Et Élie répondit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Or Samuel devenait grand, et l'Éternel était avec lui, qui ne laissa point tomber à terre une seule de ses paroles. Et tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-Seba, connut que c'était une chose assurée, que Samuel serait prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua de se manifester dans Silo, car l'Éternel se manifestait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel.